de Mélomane sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 25 novembre 2020. Très content de vous retrouver ce soir pour ce qui va s'avérer être notre dernière rencontre avant la programmation du temps des fêtes qui approche à grands pas déjà. Donc ce soir, fort de nos spéciaux d'Halloween années 80 et celui 100% acoustique de la semaine passée. D'ailleurs, gros merci pour vos commentaires. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment la formule acoustique et j'avoue que j'aime bien ça, moi aussi. Il y en aura certainement d'autres, mais ce soir, question de bien conclure notre année ensemble. Eh bien, on va tout simplement y aller d'un beau petit varié format classique comme on les aime et qui commence comme suit au 99.1 et 88.9 CFNJ. Sight. When you shake that thing, baby, the way you step into, the way you shake that thing, mama, the way you step into, I love you too much, you know you're out of sight.

curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the shadows run from themselves. You said no strings could secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just pressing goodbye windows, tired stars. I'll sleep in this place with the lonely crowds. Lie in the dark where the shadows run from au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. Shed a tear just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Et c'est à Meloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec, pourquoi pas, un gros hit que tout le monde connaît. C'est bien beau les découvertes, mais des fois un gros hit que tout le monde connaît, ça fait du bien aussi. Et ce gros hit-là, ben vous le savez, vous l'avez probablement reconnu, comme étant Stand By Me, certainement une des chansons les plus connues des années 60, de 1961 pour être plus précis. Une qui a été, dans sa version originale qu'on a entendue ici, en fait, numéro 1, et aussi qui va faire le top 10 deux fois dans sa vie de chanson, en 1961 et en 1986, grâce au film du même nom, qui était basé sur une nouvelle, un roman de Stephen King. Et c'est une chanson qui va être reprise plus de 400 fois aussi. La plus connue étant celle de John Lennon, mais tout ça en passant par plein de versions, dont celle de Mohamed Ali et une foule d'artistes. Mais ce qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est l'interprète et co-auteur de la chanson, Ben E. King, qui pourtant avait tout d'abord fait partie d'un groupe de R&B très connu qui s'appelait les Drifters. Et si ça vous dit rien, ben dites-vous que vous connaissez probablement plusieurs de leurs chansons. C'était d'ailleurs Ben E. King qui chantait un de leurs plus grands succès, « Save the Last Dance for Me », que vous connaissez probablement. C'est aussi eux qui vont être derrière des chansons comme « Under the Boardwalk »,« There Goes My Baby » et « On Broadway ». Et Ben E. King qui va aussi connaître un succès considérable en version solo avec la très belle Spanish Harlem. Donc, c'était la petite histoire pour Stand By Me qu'on a entendu ici juste après Cream, qu'on appelle souvent le premier power trio de l'histoire du rock. Jack Bruce à la basse et au chant, Ginger Baker à la batterie, malheureusement décédé il y a tout juste un an, et Eric Clapton, bien sûr, à la guitare et parfois au chant. On les a entendus ici en 1968 avec le classique White Room, qui suivait un artiste un peu plus obscur, qui restait un peu plus dans l'ombre et qui s'appelait Kurt Boecher, mais qui pourtant travaillait dans les années 60-70 avec une foule de gens, dont le groupe The Association, ses excellents groupes à lui, The Ballroom, The Millennium ou Sagittarius, qui sont tous devenus cultes pour les fans de l'époque Sunshine Pop de la fin des années 60. Il va aussi travailler, que ce soit à titre de musicien, compositeur ou producteur, avec des gens comme Elton John et les Beach Boys. Et pourtant, on dit de lui que si sa vie s'était déroulée autrement, il aurait pu être un autre Brian Wilson. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est surtout vénéré par un groupe restreint de gens pour qui l'obscurité est souvent plus attrayante que la célébrité. Mais ceci dit, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage vivement à le découvrir parce que ça représente vraiment une petite mine d'or de musique insoupçonnée, des productions très raffinées. Et nous, ben, Kurt Boecher, on l'a entendu en version solo en 1973 avec « It's a Sad World », qui suivait ici, le thème de Shaft, le fameux film de Blaxploitation de 1971. Premier de la série, une composition interprétée par Isaac Hayes, une des grandes forces créatrices derrière la soul de Memphis de l'étiquette de disque Stax. On en avait abondamment parlé de lui dans notre Méloman Stax du 12 février dernier. D'ailleurs, allez-nous faire un tour dans le groupe Facebook Méloman, sait-on jamais. Peut-être que vous pourriez avoir accès à un lien qui vous permettrait d'écouter ou de réécouter toutes ces belles émissions-là que vous auriez pu manquer ou que vous avez tout simplement aimé et que vous aimeriez réentendre. Je dis ça comme ça en passant. Et sinon, ben pour ce qui est du début du bloc, on a entendu celui qui, dans les années 60, était connu ici au Québec comme Éric, tout simplement, même s'il s'appelait Dominique Saint-Pierre. C'était la grosse mode d'avoir un prénom d'artiste à l'époque, comme Christophe, par exemple. Mais là, Éric, c'est en 1967 qu'on l'a entendu avec la très épique Nathalie. Parce que ça aussi, ça a été longtemps la mode d'avoir des noms de filles comme titre de chanson. Parlez-en à Michel Louvain. Et tout ça qui a été amorcé en 1966 avec Out of Sight, très énergique reprise d'une chanson de James Brown, et ne reprend pas James Brown qui veut, par le groupe irlandais ici, Them, au sein duquel on pouvait retrouver un jeune Van Morrison qui, un an plus tard, va se faire connaître en version solo avec son gros hit Brown Eyed Girl. Mais nous, on a encore plein de musique en banque ce soir. Attention, ça peut décaper par petits moments dans le prochain bloc. Mais toujours plein de belles choses. Tout ça à Méloman, 99.1 et 88.9 CFNJ. Ah! Hey! Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like red at red. You go hold the egg, wait to bring a check. When we talk, we collision cars. Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn. Weapons heading off, I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw, steak tartare. Oysters on the half jail, sushi bar. Life a bitch and the pussy fear, still fuck the raw. I'm a dog, I'm a dirty dog. Ha ha ha ha. Oh, dirty bastard, go in your jaw. Shimmy, shimmy, y'all. Got the simmy in the hemi, going gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics, RJ Ruder damage, y'all. And I rap it, pornographic, beat set up the camera. Ooh la la, are we green? Ooh la la, are we green? Ooh la la, are we green? Ooh la la, are we green? Disruption, I got you covered, I'm busting. My brother's a runner, he crushing, it's no discussion. I used to be muskin', I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted, I'm up to something disgusting. My pockets are pumping this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it something. Warmongers are dumping, a point and click at your pumpkin. You're suffering disruption, so put your kids in the oven. Fuck a king or queen and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but living my vida loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we did it smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum. Ooh la la, are we green? Hey. Ooh la la, are we green? Hey. Ooh la la, are we green? Hey. Ooh la la. DJ, DJ. We.

ici. En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Et toujours à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec un classique pour le français Daniel Guichard, probablement son plus grand classique en carrière, la chanson « Mon vieux » de 1973, une belle chanson à tous les pères du monde. Daniel Guichard qui, malgré sa réputation de chanteur de charme, avait une grande ouverture d'esprit parce qu'en 1981, il va se lancer dans la distribution de disques et ça va l'amener à distribuer des groupes de punk français comme La Souris Déglinguée, entre autres. Donc Daniel Guichard, qui a 72 ans aujourd'hui et qu'on a entendu juste après le King en personne, Elvis Presley, avec Stuck on You. Premier single pour Elvis en 1960 après son fameux 2 ans d'absence dû à son service militaire. Et juste avant ça, ben, Méloman est tombé sur la tête. Je vous avais prévenu. On a entendu Nowhere Fast, pièce instrumentale qui ouvrait l'album de 1985, Evil Invaders, du groupe Thrash Metal. Et même pour être plus précis, Speed Metal. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, du groupe ontarien Razor, qu'on pourrait considérer comme faisant partie du Big Four canadien avec Sacrifice, Annihilator et nos préférés Voivode, qui sont plus prolifiques que jamais. Et ce qu'on appelait le Big Four du trash aux États-Unis, ben c'était Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Bref, c'est pour ça que ça a brassé pas mal avec Razor qu'on a entendu. Ironiquement, juste après, Jean Ferrat avec, bien sûr, son plus gros hit, C'est beau la vie de 1965. Et là, je dis ironiquement parce que c'est rare qu'on va entendre aux côtés d'une pièce de gros métal, là, on va entendre ça la suite d'une à côté du trash ou du speed metal, évidemment. Mais vous savez que ça peut arriver à l'émission sur l'occasion. Mais je pense que Jean Ferrat était pas du tout ironique lors de la composition de cette chanson-là, ni Michel Senlis, qui a signé le texte non plus d'ailleurs. Je pense personnellement que ça vaudrait même la peine d'être un peu moins cynique par moment à notre époque. Jean Ferrat est quelqu'un qui mérite un grand respect, un idéaliste qui a été censuré en son temps et qui s'est battu pour son art et ça l'a pas empêché de composer de magnifiques chansons comme « Mon vieux » qu'on a entendu de Daniel Guichard justement, qui est aussi une composition de Ferrat. Bref, c'est vraiment juste dans un souci de mettre tous les genres de musique sur un même pied d'égalité. Quand Méloman, on passe parfois du coq à l'âne de temps en temps comme ça. C'est un petit clin d'œil, mais j'avais envie de le spécifier comme ça rapidement. C'est vraiment pas par manque de respect, bien au contraire. Et parlant du coq et de l'âne, justement, on était complètement ailleurs juste avant avec Janko Nilovic, un compositeur monténégrin de descendance grecque, né en Turquie, mais qui vit en France depuis 1960. Donc, un homme du monde, comme on dit, un compositeur de musique qui emprunte autant au classique qu'au jazz, qu'au funk, qu'au psychédélique. Un rêve pour plusieurs DJ qui vont œuvrer plus tard dans la culture hip-hop. On l'a entendu ici avec Drug Song de 1975, qui suivait justement un duo rap fort sympathique, très talentueux et qui pourtant se prennent pas trop au sérieux. Il s'agissait de Run the Jewels avec leur nouveau tube Ouh là là, sorti cet été en compagnie de Greg Nice et du très respecté DJ Premier. Mais sur ce, on s'en va encore complètement ailleurs. Toujours à Méloman 99.1 ou 88.9 CFNJ. Feels so good. You're lying here next to me. Oh, what a groove. You have no idea how it feels. myself if I wanted to. I'm hung up, no doubt. I'm so in love with you. For me, that's the way I'm called. Deeper and deeper in love with you I'm falling. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. Eager and eager, yeah, to feel your lips up on my face. Pleaser and pleaser, anytime or any place. I'm gonna love you, love you, love you, 'cause I didn't know, babe. I'm gonna need you, need you, need you. Looks like love is here to stay. As long as I shall live, I'll give you all I have and all I have to give. Oh, pleaser and pleaser, any time or any place. Eager, eager to feel your sweet lips on my face. Deeper and deeper in love with you I'm falling, yeah. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling. I'm gonna love you, love you, love you, just a little more, babe. I'm gonna need you, need you, need you. Every day I'm gonna want you, want you, want you. In every way. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. No, baby. Running through my veins, they try and drag me back to work again. Pain and blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The ocean beating me are driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff. No, no, baby, won't keep that stuff to front me. No, no, no.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Si je choisis de m'en aller, c'était pour mieux me retrouver à ma manière. Pour ne pas me faire trop de peine, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. C'est bien en quittant mon pays que je m'en suis fait un ami à ma manière. Et quand je serai revenu, je donnerai une fois de plus à ma manière. Ma vie, je n'en ai qu'une, mais je la veux libre et sans loi. J'en ai le droit, elle est à moi. Pas une illusion, je suis comme je suis sans façon, à ma manière. Quand on est beau au fond des yeux, on peut crier qu'on est heureux à sa manière. Je ne veux pas frôler le délire en vous disant j'aimerais mourir à ma manière. Serré dans les bras d'une scène, en vous chantant combien je vous aime à ma manière. Pluie verglaçante pour les prochaines heures sur la Nodière, température à près de moins 2 degrés. Cette neige et pluie verglaçante va se changer en pluie en matinée jeudi, maximum de 4 à 6 degrés. Et vendredi s'annonce nuageux, maximum de 3 à 7 degrés. CFNJ 89.1 88.9. Toujours à Mélomanes avec un bloc qui vient de se terminer avec nul autre que Madame Ginette Renault avec À ma manière, 45 tours de 1976 qui, ma foi, ressemble pas mal à quelques égards à notre chanson d'Éric du début de l'émission. J'ai même failli vous les mettre une à la suite de l'autre, mais je pense que ça aurait été trop épique pour une seule écoute, parce que Dieu sait que Ginette est toujours intense. Et on a entendu ici, juste après, tout aussi intense, tout aussi opératique, Roy Orbison avec In Dreams, gros hit de 1963, composé par lui-même. chose quand même assez rare à l'époque. Et si jamais vous en avez la chance, vous porterez attention à la construction des chansons de Roy Orbison. Parce qu'on parle de son côté épique, mais c'est vraiment vrai. Vous remarquerez que la plupart du temps, ça suit pas du tout la formule communément employée du AABA ou du couplet-refrain-couplet-refrain-bridge, une espèce de recette commune à l'époque. Mais au contraire, une chanson de Roy Orbison, on a vraiment l'impression que ça va toujours de l'avant, que ça revient jamais en arrière et que surtout, ça finit dans une explosion opératique complètement épique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, on parle encore aujourd'hui de M. Roy Orbison, qu'on a entendu juste après la très musclée Inside Looking Out de Grand Funk, alias Grand Funk Railroad en 1969. Un groupe qui, on l'oublie trop souvent, a connu un énorme succès dans les années 70, surtout comme un live act, comme disent les Chinois. Et tout ça amorcé par le toujours hyper suave Barry White avec la quasi trop sensuelle I'm gonna love you just a little bit more, just a little more, baby, de 1973. Et tout ça, ça se passe à Meloman, 89 ans, 89, CFNG. We worked our way up from East End pubs to gigs and backstage passes, Xboxing gents, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped dead. Take them all, take them all, put them up against the wall and shoot them. Short and tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Well tough shit boys, it weren't our fault. Your record didn't make it. We made you dance, you made your chance, but you didn't take it. Well I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, take them all, put them up against the wall and shoot them. Shoulder tall, watch them fall. Come on boys, take them all. won't let go. I need a rama, a rama, a rama, a rama to ram them down. I need a rama, a rama, a rama, a rama to ram them down. I need a rama. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Truth. If you

quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Et vous êtes encore et toujours à Mélomanes jusqu'à 22h sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec un beau bloc qui s'est terminé en chantant avec Michel Sardou en 1978. Une chanson qui s'est vendue à plus d'1 200 000 exemplaires et qu'on a entendu ici juste après, pourquoi pas, le groupe Danzig en 1992 avec leur classique How the Gods Kill, de l'album du même nom. Un groupe dont le chanteur Glenn Danzig avait fait partie d'autres groupes comme Samhain et surtout avait été membre fondateur des seuls et uniques Misfits. Et un album qui, croyez-le ou non, a été, selon John Christ, guitariste du groupe, en partie inspiré du son de certains albums de Roy Orbison, dont on a parlé tantôt, et donc un son qui ont essayé de reproduire, surtout pour la guitare. Donc c'est dire combien certaines musiques qui ont l'air d'avoir aucun lien de parenté entre elles peuvent s'inspirer les unes les autres. Et c'est pour ça qu'on était complètement ailleurs juste avant avec le génie des années 60, Monsieur Brian Wilson, au sein de sa formation les Beach Boys, époque de l'album Pet Sounds. On en a déjà abondamment parlé à l'émission. Quoique, on n'en parlera jamais trop, on a entendu les belles voix qui s'entrelacent de la magnifique You Still Believe in Me de 1966. Et faute d'en parler exhaustivement ce soir, je vous invite à regarder, pour ceux qui s'intéressent, le film Love and Mercy, qui fait quand même un très beau récit de l'histoire de cette époque-là de la vie de Brian Wilson, qu'on a entendu ici juste après les Wailers, groupe de Bob Marley à leur presque tout début avec Hammer, une pièce plutôt rare de 1968, qui suivait les Cocksparer, groupe de punk anglais, avec Take 'Em All de 1982. Et c'était pas un si gros stretch que ça d'écouter du punk et du reggae côte à côte, parce que ça a toujours coexisté depuis les débuts du punk anglais, du moins au Roxy à Londres, où le DJ Don Letts, d'origine jamaïcaine, comme plusieurs communautés anglaises d'ailleurs, a contribué à faire connaître et à faire aimer la musique jamaïcaine à des légions de jeunes punks. Mais ça aussi, on en a déjà parlé à quelques occasions à l'émission, mais on va sûrement en reparler à l'occasion encore et encore, parce que c'est comme ça que ça se passe. À Méloman, au 99.1 et 88.9, CFNJ. We'll be right back. it ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Et c'est déjà ce qui met fin à Méloman ce soir, chers amis. Mais évidemment, je vous laisserai pas sans faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a entendu avant de vous laisser aller. Bien sûr, tout ça qui s'est terminé sur un classique qui est toujours aussi beau, aussi luxuriant. I'm Not In Love du groupe 10cc en 1975. Et on l'oublie souvent, mais ce qu'on croit être un son de synthétiseur dans la chanson, eh bien, déjà, ça serait quand même innovateur en soi pour 1975. Mais en fait, il s'agissait plutôt de plusieurs voix de tous les membres du groupe. Tout ça en plus d'une magnifique progression d'accords et d'une mélodie inoubliable. Donc vraiment une chanson intemporelle qui suivait un guitariste qui, lui, a influencé des légions d'autres guitaristes anglais par le biais d'une méthode qu'il avait écrite, une méthode de guitare du nom de Play in a Day, qui vont influencer des grosses pointures comme Eric Clapton, Brian May de Queen et même Paul McCartney. Il s'agissait de Burt Whedon, qu'on a entendu en 1961, avec Ginchy, qui suivait la toujours bienvenue et magnifique The End of the World de Skeeter Davis en 1962, un artiste qui nous vient du monde du country et qu'on a entendu juste après le Mighty Black Sabbath avec Into the Void, d'un album très pesant de 1971 qu'on appelle Master of Reality et que plusieurs fans considèrent comme leur meilleur, peut-être avec raison quand même. Paranoid est rempli de succès, mais Master of Reality, on l'appelle le premier album Sludge ou Stoner Metal. Et tout ça amorcé par la Neo Old School Soul de Bobby Orosa avec Should I Take You Home de 2019. Et sur ce, ben moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été à l'écoute de Méloman cette année, parce que notre prochain rendez-vous à nous, ben ça va être l'année prochaine, après la programmation des fêtes. Donc, je vous remercie et je vous souhaite évidemment de passer de magnifiques... Je vous souhaite évidemment de passer de magnifiques fêtes, malgré les circonstances. Et je nous souhaite déjà à tous une bien meilleure année 2021. Gros merci. Et à l'année prochaine.